Hey mec, devine qui est-ce qui vient prendre le micro. Qui est-ce qui va encore casser le cerveau. Qui est-ce qui va te faire mal au dos avec mon plein courant star. C'est l'âme qu'on appelle Tesco. Et ouais, c'est comme ça. Big up la CMP Familia. Avec mon plein courant star Yemcha Elidja. Monsieur Damsa. Monsieur Moubaka. Yeah.